Chapitre 4e. Le comte de Mondieu avait présenté à Germaine la petite bande des Vauverny, composée du vicomte de Francorville, du marquis de Beugin, de Désiré Mouton et du baron de Maltaverne. Parmi eux s'était faufilé le petit reporter Jean Rat, fouinard comme l'animal dont il porte le nom, dont les yeux en vrille voient tout, dont le nez pointu semble flairer les nouvelles. Tous avaient pas mal d'esprit, même Désiré Mouton, dont les balourdises enchâssées, mise en relief par ses amis, devenait amusante comme si on les eût proférées exprès. Jean Rat crayonnait des impressions sur des feuilles volantes qu'il envoyait au fur et à mesure à l'imprimerie d'un grand journal boulevardier. Le factum du reporter devait produire dès le lendemain matin une vive impression chez les lecteurs du journal en question, et Jean Rat, qui arrivait bon premier dans cette course aux informations, jubilait positivement. Du reste, il n'y allait pas par quatre chemins. Piquait une tête au milieu du lyrisme le plus échevelé, dressait un piédestal à Germaine, l'y installait comme une idole, et à chaque ligne, à chaque mot, lui cassait littéralement l'encensoir sur le nez. « Très intrigué, le grand public des premières se demandait hier, disait-il dans son style quelque peu tarabiscoté, quelle pouvait bien être cette belle inconnue qui apparut devant l'avant-scène de gauche à la fin du premier acte de la bataille des Dames. Les conjectures allaient leur train. On se livrait aux suppositions les plus extravagantes, les plus saugrenues, les plus baroques, et naturellement chacun, après avoir tiré à hue et à dia, donnait sa langue au chien, désespérant de connaître le mot de cette énigme si troublante. L'écho du boulevard, seul, est en mesure de renseigner, dans la mesure du possible, les curieux qui seront gré, comme toujours, au journal le mieux informé de Paris, de soulever un coin du voile. Oui, une énigme faite femme, une énigme au front d'albâtre, dominateur comme celui d'une impératrice romaine, une énigme aux yeux de pervenche, aux dents de perles, au teint de rose, aux lèvres de corail. Belle, est-ce assez dire? Entassez ici les épithètes, essayez d'en créer de nouvelles les plus éloquentes, plus vibrantes, plus suggestives que toutes celles dont foisonne la langue française. Cherchez tout ce qu'il y a de merveilleux, de splendide, jusqu'à l'éblouissement, jusqu'à la peur, car une telle beauté est réellement effrayante. Et vous arriverez difficilement à réaliser ce type de perfection inouïe. Qui est-elle? D'où vient-elle? Demandez au météore qui apparaît là-haut dans un mystérieux flamboiement et traverse dans un ruissellement de lumière la nuit sereine au milieu des astres qui fait pâlir. Son nom, que chacun ignore, Germaine, un nom aux consonances vibrantes et très douces. Est-elle riche? Elle a payé comptant l'hôtel de cette pauvre Regina. Son attelage vaut 1000 louis, son argenterie est magnifique. Ses gens sont parfaitement stylés, son cuisinier est grand artiste, bref, sa maison est montée sur un pied princier. Jean Rat écrivait le plus sérieusement du monde cette métaphore audacieuse, montée sur un pied princier. Elle tire le pistolet comme feu Ira Pen, a de l'esprit comme Aurélien Scholl, possède sous le satin de son épiderme des muscles d'acier, fait de l'hypnotisme comme Charcot, et avec cela vous a un charme, demeure toujours tellement femme, que l'on ne sait plus ce que l'on doit le plus admirer chez elle, ou des perfections innées, ou des perfections acquises. Déjà, les sommités de la finance, de la politique et des arts ont essayé de forcer sa porte. Seul un petit clan de privilégiés a eu le bonheur d'être admis d'abord dans l'intimité de la loge de théâtre, puis de l'hôtel de la rue Euler. Naturellement, le rédacteur de l'écho du boulevard était du nombre. Cela continuait ainsi pendant une colonne, à la grande joie de Jean Rat, qui, toujours besogneux, tirait à la ligne et allongeait les ficelles de son style comme de simples bretelles élastiques. Suivait, avec de nombreux alinéas, le récit de la conversation engagée entre les Vauverny, qui rivalisaient d'esprit, de cet esprit artificiel, mais amusant tout de même pour les initiés, et qui produit sur les cervelles suburbaines ou départementales l'effet d'un casse-tête chinois. Nous ne les rapporterons pas, et pour cause. Comme le disait Jean Rat, Germaine avait brillé dans cette joute de mots, et avait déployé une verve qui fit l'admiration de Mondieu, dont la passion s'avivait d'autant s'il est possible. Il n'en pouvait croire ses oreilles, et se trouvait tout déconcerté en découvrant à chaque moment une Germaine qu'il ignorait absolument, qu'il ne pouvait même pas concevoir. Que Germaine se fût transformée si rapidement en mondaine passe encore. Le Parisien, la Parisienne surtout, possède d'incroyables facultés d'adaptation, réellement déconcertantes pour les étrangers et les provinciaux. Mais qu'en moins de 5 mois, elle eût acquis ce vernis, ce brillant, cette facilité d'élocution, voilà ce qui le stupéfiait. Ce n'est pas tout. Ses réparties étaient instantanées et ne sentait aucunement la préparation, la leçon apprise. Son esprit était de bon aloi, et elle semblait connaître à fond toutes ces frivolités boulevardières qui sont la monnaie courante des entretiens des gens du monde. Il se demandait sans relâche. « Où diable a-t-elle appris tout ça ? Comment sait-elle ces choses qui demandent une initiation longue et minutieuse ? En vérité, c'est à n'y rien comprendre. » Pendant tout le reste du spectacle, il demeura près de Germaine, saisi par une sorte de griserie capiteuse, et plus que jamais sous le charme qui s'exhalait de cette femme réellement extraordinaire. Il en arrivait presque à oublier Suzanne, isolée avec Maurice Vandol dans un délicieux tête-à-tête. Et si, parfois, il lançait furtivement au fond de sa loge un regard mauvais au couple d'amoureux, il songeait que cette ivresse n'aurait pas de lendemain, puisque Maurice, condamné à mort, devait succomber infailliblement de sa rencontre avec Guy de Maltaverne. Le peintre mort, Suzanne aurait certainement un gros chagrin. Mais devant l'irrémédiable, elle finirait par oublier et peu à peu se consoler. Donc il les laissa parfaitement tranquilles, escomptait le bonheur d'une union prochaine, faire des projets et savourer cette félicité dans laquelle se complaisaient leurs âmes. Et son regard, si haineux, si perfide, se reportait sur Germaine, qui semblait avoir pardonné, qui lui parlait avec une étrange netteté d'esprit et lui avait permis d'espérer pour plus tard de se donner à lui. Intriguée jusqu'à l'obsession par cette transformation de l'ouvrière, secouée jusqu'aux moelles par la présence de cette femme incomparable, follement épris, et plus que jamais captivée par ce charme, ce mystère, cette élégance, et jaloux déjà des Vauverny, qui faisaient à la jeune femme une cour audacieuse, il éprouvait des sensations inouïes qui faisaient bondir son cœur et centuplaient en lui cette joie de vivre des hommes sur le retour. La représentation finie, Germaine offrit à souper aux Vauverny et leur donna rendez-vous à l'hôtel de la rue Euler. Puis, avisant Guy de Maltaverne, elle lui dit « Vous étiez tout à l'heure avec une dame que vous avez un peu négligée. »« Oh !» reprit Guy d'un air dégagé. « C'est Andrea, ma bonne amie. Un vieux ménage, ne vous inquiétez pas. Mon camarade Mouton lui tient compagnie. Vous l'amènerez au souper. Je serai la seule femme et je me reprocherai d'être trop exclusive. « Madame Andrea est certainement une bonne fille, mais triviale en diable et, disons le mot, affreusement populacière. Peu importe, je tiens à la voir, à la connaître, et vous me désobligeriez infiniment en ne la priant pas de ma part, et très instamment de venir. « Il en sera, madame, selon votre désir. Mais, croyez-moi, elle mettra les pieds dans le plat. Vous me présenterez également votre monsieur Mouton. » Le comte, pendant ce temps, faisait grise mine et ne s'expliquait pas cette fantaisie qu'il considérait comme un impair. Il se demanda « Prendrait-elle cette rose d'Andrea pour une vraie grande dame ? Mais non, c'est impossible. Elle a témoigné d'un jugement trop droit, trop épuré. » Quand le clan des viveurs arriva une demi-heure après à l'hôtel où Germaine les reçut dans un déshabillé d'un goût exquis, il n'y eut qu'une voix pour s'extasier devant le nouvel agencement de la coquette habitation. Toutes les superfluités criardes, baroques, sentant le goût de tapissier, qui semblait à Regina cœur d'artichaut le comble de l'élégance, avait disparu. À la place de ce luxe tout en surface de cocodettes amoureuses des chromos et du palissandre, on voyait une élégance de bon aloi, très sobre, un peu sévère, qui s'observait jusqu'aux plus infimes détails et comprenait aussi bien les meubles que les tentures, les tableaux que les brimborions, les œuvres d'art que les tapis, l'argenterie, le service, enfin tout. Genrat exultait. Et par avance escomptait le succès d'une interview avec description détaillée de cet intérieur à peu près unique à Paris, du moins chez une femme vivant seule. Et les Vauverny, intrigués pour le moins autant que le comte de Mondieu, ne savaient plus quel jugement porter sur Germaine, qui, au gracieux et séduisant laissé-aller de la grande cocodette, joignait ce je ne sais quoi qui impose aux plus audacieux une retenue mêlée de respect. Andrea Larosse était absolument déconcertée. Pour la première fois, l'aplomb lui manqua, et bien que Germaine la combla d'égards et de politesse, elle ne savait trop où donner de la tête. Cependant, Germaine la conquit d'un mot et d'une poignée de main. Profitant d'un moment où les Vauverny admiraient le grand portrait en pied que Maurice Vandol avait exécuté jadis, elle lui dit rapidement à voix basse « Merci d'être venu. Je pourrais, sinon vous payer une dette sacrée, du moins vous témoigner toute ma reconnaissance. Mais madame, je ne vous comprends pas. Fit Andrea interdite. Je n'ai pas l'honneur de vous connaître, et je n'ai jamais pu vous rendre aucun service. Aussi, et plus grand que vous ne le pensez, reprit Germaine avec son bon sourire qui soudain se glaçait à l'aspect de Mondieu. Un des services que l'on n'oublie pas. Vous souvenez-vous de Berthe et de Marie, les pauvres petites recluses là-bas, dans cet affreux souterrain ? Oui, chez les chats morts, au Val, près d'Herblay. Les chers enfants, que sont-elles devenues ? Vous les connaissez donc ? Ce sont mes sœurs. Allons donc, pas possible. Oui, mes sœurs. Vous comprendrez sans peine la reconnaissance que je vous ai vouée, à vous qui les avez sauvées au péril de votre vie. N'est-ce pas tout naturel ? Oui, vous avez un cœur d'or, et une bonne action ne vous coûte pas. Elle n'en est pas moins méritoire. Elles étaient si malheureuses, si touchantes, si gracieuses, les chères petites. Et puis, c'est si bon d'obliger. Qui sait si plus tard je n'aurai pas encore à solliciter votre concours pour réparer de cruelles injustices. Madame, vous êtes la sœur de mes chères mignonnes. Disposez de moi. Je vous suis acquise. Oh oui, comptez sur mon dévouement. Merci, j'accepte. Comme vous m'offrez, c'est-à-dire de tout cœur. Mais chut, pas un mot, que tout le monde ignore notre complicité. L'entretien fut coupé par le maître d'hôtel, venant annoncer le sacramentel. Madame est servie.